Quand elle rentre, ça fait blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Skip, brrrra. Vrata, ta, ta, ta, ta. Gra, gra, gra, gra. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Skip, brrrra. Vrata, ta, ta, ta, ta. Gra, gra, gra, gra. Jalabi, jalabi, jalabi, ma chérie. Jalabi, jalabi, faut qu'on fasse du wari. Je ne sais plus qui est qui. Faut qu'on se bat, loin d'ici. Surtout ne leur dis pas. Surtout ne leur dis pas. Surtout ne leur dis pas. Entre nous ce qui vient, ça reste entre toi et moi. Même si on est en l'air pas. Surtout ne leur dis pas. Ils n'attendent que ça. Ah. Te laisse tirer sur ma chicha. Et tu veux plus me rendre dessus. Chante comme un griot, puis pierre, feuille, ciseaux, pour tirer sur le physio. J'ouvre les bras larges comme le dos, j'suis tout en haut comme mon Corcovado. Jalabi, jalabi, jalabi, ma chérie. Jalabi, jalabi, faut qu'on fasse du wari. Jalabi, mes amis, mes ennemis, je ne sais plus qui est qui, faut qu'on se bat. Loin d'ici. Surtout ne leur dis pas. Surtout ne leur dis pas. Surtout ne leur dis pas. Entre nous deux qu'il y a. Ça reste entre toi et moi. Même si on est en l'air car. Surtout ne leur dis pas. Ils n'attendent que ça. Ah. Y'a de la meuf partout. Y'a des seufs partout. Mais je ne pense qu'à toi quand je suis dans ma loge. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté comme une horloge. J'tiens mon automatique, j'imagine ta plastique. Mes rêves s'envolent comme un sac plastique. Jalabi, jalabi, jalabi, ma chérie, jalabi.